Le ciel est bien marqué d'étranges anomalies qu'un homme avait laissé se perdre dans la nuit. Il pense déjà rentrer avant que tombe l'ennui, la possibilité de revoir une embellie. Il ne veut pas déranger au milieu de la nuit les gardes policiers qui se sont assoupis. Il ne peut se décider quel côté la folie va le précipiter sur une voiture ralentie, car chacun